3, 2, 1, c'est parti! Salut ma gang de passionnés de musique, bienvenue à La Part d'écouteurs, épisode 14, en compagnie de Dick Lacroix. Eh oui, j'ai repris de battre. Avez-vous terminé vos vacances, là? Êtes-vous parmi nous, là? Parce que... Hein, non, c'est pas encore là. Mais de toute façon, il y a du rattrapage, on est là tout le long. Donc nous, on continue avec l'émission quand même, on est content que vous soyez là. On a toujours nos quatre segments, aussi depuis la saison 2, hein, c'est connu, on a aussi nos invités. Donc on commence d'emblée avec la première chronique qui est l'État critique. Et qu'est-ce que c'est que l'État critique, mon cher Lacroix? L'État critique, c'est un album qui vient de sortir qui est tout chaud. Il est très tout chaud. Ouais, c'est brûle. Sorti genre le 29. Oui, juillet. Le 29 juillet. Oui! C'est Billy Talent, l'album Afraid of Heights. Heights, c'est-tu comme ça qu'on le dit? On le prononce comme bien, ça. Là? D'accord. Vas-y, mon cher. Ok, Billy Talent, on les connaît depuis longtemps. Ils sont sur Warner Brothers. Il y a quatre membres, mais il y en a un qui a la sclérose en plaques, le drummer. C'est utile, ça? On dit ça de même d'emblée. Non, mais c'est plate. Je suis surpris au rétablissement. Maladie, monsieur. C'est pas ça, l'affaire. C'est que Jordan Astin, qui est le drummer d'Alexis on Fire, l'a remplacé pour cet album-là. D'habitude, oui. D'habitude, c'est lui, mais là, ça va pas bien. C'est plate, mais ça va pas bien. Non, c'est quand même drôle. C'est non, c'est pas drôle. Ça. C'est pas drôle. Non, c'est ça. C'est pas ça. Drôle. Est-ce qu'on est capable de nommer le nom du chanteur? Je te mets au défi. Ben Kowalczyk. C'est ça? Comment? Ben Kowalczyk. Moi, ça me va. C'est un groupe qui existe depuis 1993. Il faut quand même nommer que moi j'ai su canadien. Enfin, il y a de temps en temps des bonnes affaires qui se font au Canada anglais. Qui s'appelait Pez au début. Pez 2Z, justement, pour ne pas se faire poursuivre par la compagnie de bonbons. Là, les petites têtes qui vomit des petits ratons. Et puis après ça, en 99, ils ont décidé de s'appeler Billy Talent, puis grand bien leur fasse parce que ça sonnait 90, Pez. Ouais. Hein, vraiment, ça sonnait pas très bien. Billy Talent, c'est quand même, ça sonne bien. Ouais. Qui est tiré du faux documentaire Hardcore Logo aussi, qui est un faux documentaire tiré aussi du roman Hardcore Logo. En tout cas, tous ceux qui sont socialement impliqués. Et puis, ben, ils sont encore avec cet album-là, tant au niveau de la musicalité que des paroles, je te dirais. Ouais. Ce groupe-là, c'est ce qui font bien, c'est que c'est catchy. Okay? Ouais. Et puis, c'est sûr que ça peut être sucré à un moment donné. Moi, je te dirais, là, ben, sincèrement, qu'à un moment donné, mais ils ont le don. En ce sens que quand ça commence à sonner, Pampan cucu. Pampan cucu, ok. Non, c'est bon. Mais il y a des trucs, là. Il a tune DJ, Louder Than the DJ. Ouais. Bon, ben c'est un peu catchy. Ça ressemble à Twisted Sister. C'est ça, on va avoir des influences. Non, mais c'est vrai, c'est mais ils ont le don. Aussitôt qu'on fait un bon, c'est un peu trop sucré, ça commence à être trop, peut-être, est-ce qu'on dit commercial? Non, c'est vraiment juste sucré. Ils vont avoir le don d'avoir une tournure avec un autre riff qui vont nous accrocher. Ouais. Ce qui fait que moi, j'ai écouté l'album de A à Z sans nécessairement me tanner. Si on embarque d'un tune un peu, par exemple, je pourrais dire Rabbit Down the Hole, je la comprends pas. Non plus. Elle est foutrement longue. Oui. Et puis, c'est du Guns N' Roses, hein? Genre, tu parlais. T'as raison. C'est complètement raté, j'ai pas compris. Moi, la meilleure que j'ai trouvé, c'est Time Bomb Taking the Way. Oui. Ça, c'est du Billy Talent à l'état pur. Ben, la première tune aussi, l'album commence bien. On dirait que l'album est comme en deux parties. La première track, Big Red Gun, qui est peut-être un peu le Big Red Gum aussi, la gomme américaine là, à la cannelle. Ouais, ça se peut. Qui parle du port d'armes, la problématique des ports d'armes aux États-Unis, tout ça, un peu à la The Hives, une tune énervée à la The Hives que j'ai trouvé hot. Ghost Ship of Cannibal Rats aussi qui est hot. Comme tu disais tantôt, Time Bomb Taking Away. J'ai trouvé que c'était comme les vocales, un peu à la The Police, si The Police était punk. Ouais. Ah ouais. Tu sais, il y a vraiment des mélodies là-dedans qui sont intéressantes parce que ça va vraiment dans tous les sens, Billy Talent, mais en même temps. Oui, vas-y. J'ai juste trouvé qu'il y a un petit peu trop de solo de guitare, c'est que j'étais pas habitué avec eux. À peu près dans chaque chanson, ou presque. Puis, 30 secondes. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? Ils ont fait un petit essai synthétiseur un peu sur l'album Horse and Chariot. Je trouvais que ça ressemblait quasiment à du Muse quand il rock. Dans le temps que Muse rockait, tu sais. Ouais, ben j'ai noté Muse même pour ça là. Ça va d'Aerosmith à Dead Kennedys. At the Drive-In, j'ai entendu Future of the Left, tout ça, on en parlait tantôt en début d'émission. C'est la voix particulière de Ben Kowalczyk qui relie le tout, je te dirais. Un bon album, c'est une bonne. Ils feront jamais de la marde comme tel. Non, non. Est-ce que je suis fan de 100%? Je te dirais pas que je suis fan à 100%, mais. C'est jamais de la marde. C'est comme, c'est exactement. On finit avec ça, c'est jamais de la marde. C'est beau, hein? Alors, on va y aller maintenant avec notre deuxième chronique qui est l'oreille chronique. Et puis, ben, c'est ce segment avec nos invités. Oui. Nos invités vont défiler un après l'autre et nous dévoiler leur album qui les a marqués ou un des albums préférés. C'est et qui? Puis, on a notre gang de retour vers le rétro avec Cédric Duquette, Maxime Grenier. Et puis, ils ont plein d'autres projets, mais on va en parler conséquemment. À donc, tous on les invite! Ouais! Fait que, ben, pas écouter, mais parler. J'ai choisi Silverchair de Neon Ballroom. Mmh. Effectivement, en fait, pourquoi? Ah, excuse-moi, mais absolument. Non, ça en occupé. Parce que, en quelque part, c'est pas le meilleur album au monde, on s'entend. Mais cet album-là a eu une part significative dans mon amour de la musique des années 90. Mmh. Puis je vais y aller vraiment fort d'entrée de jeu. Mais tu sais, quand on parle de l'époque grunge, on parle de Nirvana, de Pearl Jam, etc. Cet album-là, là, torche n'importe quel album de Nirvana. Nirvana ont l'air de gros ça. Nirvana c'est out. Silverchair, c'est in. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, cet album-là particulièrement, ce que j'aime énormément, c'est la variété. Oui. Parce que. Oui. Il y a l'orchestration aussi. Oui. Beaucoup. La première chanson qui est Motion Sickness est une chanson qui parle de dépression, mais sur un thème hyper orchestral. Oui. Puis vraiment dans l'album, tu vas tomber dans des chansons justement qui sont super grunge, justement à la Nirvana, Walt, où est-ce que vraiment ça te rentre dedans. Puis tout de suite après, ils te partent sur une chanson comme Miss You Love qui est du piano super comme quasiment quétaine. Ouais, j'ai trouvé qu'il a bloqué l'envolée du disque, moi, par exemple. Ça a comme vraiment arrêté sec. Mais tu vois, moi j'aime ça. Ok. Mais tous les albums de Silverchair sont faits de même, c'est vraiment... Il t'embarque dans quelque chose, puis paf, tout d'un coup, il t'enlève. Après, t'as Anastasia qui est quand même aussi un autre tune smooth, puis après ça, il te c'est un hit, ça a été un hit aussi d'ailleurs, commercial. Là, ça a joué beaucoup à moi, moi, il me rappelle là, vraiment Anthem for Year 2000. Là, le vidéo, c'est comme une révolution. Il m'a vraiment marqué cette vidéo-là. Ouais. Mais la fin que je me souviens de Silverchair, c'est que le monde, il crachait sur eux autres, okay? Parce qu'ils ont commencé full jeune, il y avait comme 16 ans, comme tu dis. Puis, tu sais, ils trippaient sur le grunge, justement, les groupes de Seattle, puis on dirait qu'ils voulaient copier ça, puis ils ont pogné malgré tout. Avec ben, ils ont copié, moi, je trouve. Ben, ils ont copié au début, mais cet album-là, là, c'était leur couleur à eux. Vraiment. Tu le laisses tomber. Là, tu te tiens. C'est moi l'invité. Vas-y. Mais non, mais pour vrai, c'est un groupe. J'ai tout dit à ta place. Pour vrai, c'est un groupe qui vaut la peine d'être redécouvert si vous connaissez pas, parce que pour vrai, justement, leur premier album, ils ont 16 ans, puis pour un album de jeunes de 16 ans, j'étais loin d'être aussi mature musicalement. Il y avait 16 ans là-dessus? Oui. Pas là-dessus. Okay. En fait, il y avait 16 ans 18, en 95, lors de leur premier album qui était Frog Stomp. Ah. Et ça, il est sorti 4 ans plus tard. Donc il y avait. Mais quand il était jeune quand même. Il avait 19 ans à peu près à cette époque-là. Puis t'as un album, tu l'as parlé. Ouais, là tu te tais. C'est moi qui parle de ça. C'est vrai de poser une question sans très mature. Mais c'est super mature, honnêtement. Puis c'est agréable. C'est sûr que ça sonne 90. Pis si t'aimes pas le son. Ben, ça dépend. Je sais pas si c'est à cause de l'orchestration, mais je trouve que ça a bien vieilli. Moi, je l'ai réécouté. J'ai fait premièrement Another Song puis Anthem. Je savais même pas que c'était eux autres. J'ai reconnu tout de suite les tunes. Je trouve peut-être que les paroles, cependant, ont mal vieilli, surtout sur Anthem for the Year 2000. Mais la série était d'avance. We are the youth qui enrayera le fascisme, mettons. Ouais. Et puis, ben là, ben. Ouais, non, mais ça a pas été eux autres. C'est une vision. Oui, c'est une vision, mais je vais juste dire que c'est pas eux autres parce que là, t'as Trump qui s'en vient au pouvoir. Ok, ouais, il y a Mais un album peut pas toujours être intemporel non plus. Non, c'est je sais. C'est pas nécessairement une bémol. C'est juste. Je fais juste. Non, non, je souligne. Ouais, on souligne. Ça reste quand même. Ce qui est cool, c'est que le gars, il parle. Je sais pas. Sans dire qu'il est porteur de message, mais il reste qu'il parle énormément de lui. Cet album-là, il est hyper personnel parce que, de un, il parle de sa dépression. Dans la song, il parle de. En fait, c'est une chanson pour son anorexie. Ouais. Parce qu'il était atteint d'anorexie, puis c'était sa chanson qui, justement, parle du fait de qu'est-ce qu'il a vécu par rapport à ça. C'est un gars qui était vegan, il fait une chanson contre la torture animale. Bref, c'est super personnel, puis ça vaut la peine d'être écouté. Puis c'est vrai que c'est éclectique, puis c'est vrai que ça se promène. J'ai trippé sur Dearest Helpless, c'était ma meilleure. Méchant gros riff. Il y a des surprises. On parle de grunge, là, pesant, quasiment méta. On va déjà aller avec notre cher Maxime Grenier. Allô? Qui vient nous parler de son album à lui. C'est quoi le tien? Écoute, moi, je viens te parler de l'album Holiday de Earth, Wind and Fire, plus comme de m'appeler pour les intimes, EWF. Represent in the house. You represent. Sont tout seuls, gars. L'idée, c'est un album de Noël en passant. Effectivement, c'est un album de Noël. Ça a pris trois tours, moi, avant de m'en apercevoir. Là, j'ai fait, ah, ben, Max, je pense qu'il nous prépare une blague. Noël des campeurs vient de finir. Bon. Premièrement, j'ai beaucoup hésité quand tu m'as demandé un groupe, un album. J'hésitais entre Chic ou Earth, Wind and Fire. Moi, j'ai commencé à écouter de la musique très tard dans ma vie. Quand j'étais jeune, il y avait... minuit quart. À TQS. Il y avait beaucoup de disco qui jouaient chez nous à cause de ma mère. Il y avait beaucoup de trucs plus Led Zeppelin, Jethro Tull qui jouaient du côté de mon père. Puis moi, ben, j'aimais plus le côté disco, le côté dansant là, de la musique. Je suis quelqu'un de très éclaté. Ça fitait avec ma personnalité, tu sais. Ouais. Mais pourtant, il est moins que celui-là. Je veux dire, des tunes de Noël, oui, il est remanié un peu à la sauce fun. Winter Wonderland, là, il fait la co à l'hiver. Là, c'est tellement somptueux. C'est jazzy. Non, mais Little Drummer, The Drummer Boy, là, c'est la meilleure version que j'ai entendue de ma vie. T'as l'impression que t'as susurre dans l'oreille. Oui, c'est ça. C'est beau, là. C'est de toute beauté. Moi, je suis quelqu'un qui adore Noël. Fait que moi, me replonger dans cette magie-là constamment. Puis c'est un album qui est extrêmement intemporel à cause de son son. On pourrait quasiment écouter l'album, le show en décembre aussi parce qu'on a les couleurs. Effectivement, on marche. C'est merveilleux. Puis le son, c'est ça. Tu y vas avec le son. Oui, il y a une touche caribéenne à l'intérieur de cet album-là. D'ailleurs, c'est dans l'influence principale de tout ce que EWF fait. Il y a toujours un petit côté jazzy, malgré qu'on a du scoop dans le funk. C'est un groupe qui a traversé les époques, c'est en 73, c'est encore actif, mais c'était encore actif jusqu'en 2014, là où l'album Holiday est sorti. C'est juste après que le chanteur ait pogné sur les roses en plaques. Arrêtez là avec ça, vous êtes pas Ouais, c'est vrai que c'est pas drôle. Non, excusez. Ouais, mais mes sympathies à la famille de Maurice White, quand même. Oui, quand même. Mais il peut, avec cet album-là, il peut s'en aller directement avec Jésus. Ouais. Puis il peut partir digne. On s'entend? Oui. Donc, c'est ça. Je reviens où j'en étais. Hein? C'est un album qui a traversé les époques et qui a traversé les styles musicaux aussi. Oui. T'en es passé du disco un peu plus classique au R&B. Aussi, à un moment donné, on a surfé sur l'électronique un petit peu. Là. C'était bien fucké. Là. Une minute. Oui, parfait. C'est bon. Merci, bro. D'ailleurs, dans la période électronique, dans les années 80, il y a eu une collaboration avec Genesis qui était complètement folle. Et Philip Bailey, en 85, a sorti un single avec Phil Collins qui s'appelait Easy Lover. C'est merveilleux. C'est la meilleure chanson que j'ai entendue de ma vie. qu'est-ce qui me manquait? Oui, j'aime beaucoup aussi les petites allusions qu'il y a eu dans l'album, des petits clins d'œil aux chansons de EWF. Qui existait déjà, alors December était September, exactement, et Happy Season, qui était Happy Feeling là, dans l'album standard. Fait que c'était vraiment cool pour initiative. C'était vraiment des pros. Ouais. Pour quand même, là, parce que cet album-là était une commande de Legacy qui était le label, ils ont quand même livré une marchandise impeccable. Ouais, c'est une commande, ok. Ouais, exactement. Parce que je trouvais ça bizarre qu'ils aient fini leur carrière avec un album de Noël. Ouais. Tu sais, puis qu'ils ont vraiment une carrière fructueuse, puis ils finissent avec un album de Noël. Moi, ouais. J'avais comme de la difficulté, mais si c'était une commande, je vois plus l'accepter. Je l'accepterais pas. Je respecte la bébène. Tu sais, il y en a qui commencent leur carrière en faisant des albums de Noël. Ouais, ben oui. Au moins, ils ont fini leur carrière avec ça. Donc, Jingle Bell, tout le monde. Fait que là, il y a un fil, là. Ben, c'est parce que c'est terminé, mon cher. Oh non! Donc, on le dit merci. Hey, nous, on continue. merci Michaud. Mais pendant que les autres débarquent, on va continuer. On va lui parler tantôt avec l'intervalle qui va être une semaine après la diffusion de ce que vous écoutez en ce moment. Ouais, écoutez-le, ça va être le meilleur bout. Ah, merci, ouais. Merci les gars. Salut là. Donc nous, on continue, hein, on n'a pas le choix. Donc on y va tout de suite avec le côté B. Et puis ouais, le côté B, qu'est-ce que c'est? Ce sont des albums classiques qui ont fait les charts. Et puis, on parle vraiment d'un gros classique ici, Quatuor britannique légendaire dans le monde de la musique punk. Oui. Troisième album du groupe The Clash, l'album London Calling, qui était un album double déjà là à l'époque aussi. Pour un band punk, c'était quand même plutôt assez rare. T'as dit 1979, ouais, effectivement. Quand même. Donc, nous, le segment du côté B, c'est que nous, on doit trouver. D'autres tunes qui sont sur l'album, qui sont pas dans les singles. Ouais, et puis on essaie de trouver un autre morceau qui était aussi intéressant ou peut-être plus. Il n'y a pas eu beaucoup de singles avec ça. Non, mais c'était compliqué un peu. J'ai la misère quand on s'est parlé, là, mais finalement on a trouvé deux. Sûr. Les singles, ouais, quand on est sûr, ouais, c'est pas clair, mais c'est sûr que London puis Train of Vain, c'est ça? Train in Vain. Ouais. Qui est en fait London Calling qui est la première et puis Train in Vain qui est la dernière. Fait que nous on avait le choix dans tout le milieu. Mm-hmm. Et puis ben The Clash se sont fait souvent pointer du doigt par les gros punk purs et durs. Je vois citer Crass au passage, qui eux trouvaient que c'était des vendus, tout ça. Toujours est-il qu'il y avait quand même une portée sociale, une portée politique. C'est juste parce qu'eux autres il y avait une autre démarche artistique ou peu importe. Tu sais, on parlait de Police et un moment donné, conséquemment, là, dans un autre épisode, qui utilisaient le reggae dans leur musique. Oui. Je pense que eux, c'est les premiers à savoir approprier un peu la culture jamaïcaine, si je ne m'abuse. Et puis, même au niveau de la pochette, ils ont copié le lettrage, les couleurs du premier album solo de Elvis Presley. À cause qu'Elvis Presley avait volé le blues, ou en tout cas, s'était approprié une espèce de musique noire. Ouais. Est-ce que c'était un pied de nez à ça, puis se foutre de ça? Je pense pas. C'était juste vouloir bannir les barrières pour toutes, puis tu sais, un bel album. Moi, j'ai vraiment adoré, là, puis j'ai découvert les influences de plein de monde. Ouais, ben ouais. C'est ben, fou, là. Déjà. NoFX. Rancid. Les Rancid, c'est les plus proches. Rancid, c'est du The Clash. En écoutant The Clash, j'ai fait un Gun of Brixton, c'est une toune. Okay. Deux minutes! C'est une toune de Rancid, total. Ouais, c'est copié. Il y a l'orgue, il y a tout. C'est Crane Fist là, sur l'album. Le deuxième album de Rancid. Le troisième, c'est exactement la même chanson. Je pourrais la mettre copier-coller. Oui, je suis sûr. Je sais pas pourquoi je vais prendre la pompe. Ok. Fait que là, nous, il fallait trouver les préférés. Et puis, ben, moi, justement, tu parles de Guns of Brixton. Et puis, ben, moi, c'est ma préférée. Ben, c'est mon côté B. Pour de vrai. Yes! Et puis, ben, c'est drôle, hein? Parce que c'est pas une chanson de Joe Strummer. Joe Strummer qui est le chanteur. Les deux bands, c'est une chanson écrite du bassiste qui est Paul. Faut que je regarde. Simonon. Solomonde. Oui. Paul Solomonde. Oui. Une toune sur la violence policière de l'époque à Londres. Et puis, ben, c'est un reggae de nuit complètement London. Ça sonne London comme ça n'a pas de sens. Ça me rappelle le reggae. Il chante de patate dans la bouche comme. Une minute. Comme Tim Armstrong dans Manson. Il chante la même. C'est pareil. La même patate dans la bouche. On est le même parce que. Ben, j'aime pas tout de Clash, là. Moi, toi, tu l'as adoré, je l'ai trouvé quand même long. Mais Guns of Brixton, carrément, ça aurait pu être le deuxième single, ou le troisième, en fait. Je sais pas pourquoi qu'il y en avait juste deux. C'est un truc de distribution, puis... Ben, moi, je trouve qu'il a bien vieilli, l'album. Je l'écoute là, puis je trouve que... Ben oui, parce qu'il y a plein de monde qui suit leur pas. On va y aller maintenant avec notre dernier segment qui est le 45 tours. Et puis le 45 tours, ben, on essaie de passer le plus d'albums en rafale. Hein? On en a 10 habituellement. Et Dave fait des grimaces, je sais pas pourquoi. Mais on a le temps, hein? C'est ça veut dire. Ouais, je sais, mais pourquoi qu'il est mal à l'aise avec ça, je sais pas. Alors, nous, on va commencer tout de suite avec Descendants. Non, mais c'est quoi le dernier? Ah oui, thumbs up! Pourquoi que j'oublie tout le temps? C'est pas un running shit. Quand on dit oui, on aime ou on n'aime pas. On écoutait ça quand même assez rapidement, puis c'est la première écoute. Est-ce que ça me tente de réécouter suite à la première écoute? Donc j'y vais avec Descendants. Ouais. Ça aussi, c'est sorti, je pense, le même jour que Billy Talent ici. Est-ce que tu peux dire le titre de la. Ben, je vais y aller, je pense. Mais c'est peut-être italien, je sais pas. Hypercafium Spadinate. Disons-le comme c'est ça. Et puis, ben, j'allais dire les légendaires, mais je devrais dire les survivants. Tu parlais de sclérose en plaque tantôt dans notre spécial maladie. Oh non! Tu sais comment non, c'est? Quoi? Non, mais c'est vrai. Cette fois, c'est vrai. Ben non, pas cette fois. C'est aussi vrai. Bill Stevenson, le drummer, OK, avait une tumeur au cerveau. Okay. Et le bassiste Carl Alvarez, ouais. Venait de se remettre d'une attaque de cœur. Non, ça va bien. Ben oui, parce qu'eux autres, ils existent depuis 1978. Ouais. Là, ils ont plus la jeune vingtaine. Sont OK, mais est-ce que tu aimes l'album? L'album, ben je vais te dire non. Puis c'est pas juste parce qu'il était malade, là, parce que ça paraît pas. Parce que l'album est en jeu quand même. Exactement, c'est ça, oui. On reconnaît le jeu du bassiste, c'est du Descendants, là. Ouais. C'est juste qu'il manque des hooks. Il me semble qu'il y en avait plus que ça avant. Ça c'est pas assez catchy. Moi, c'est la première écoute d'eux autres, là. Puis ils sont très en forme pour des vieux croutons, là, qu'on dit, là. Puis... Qu'on dit, non. Ah, non, mais ils sont malades ou quoi, ils ont des maladies, tu sais. Ouais. Mais l'album passe. Dans les paroles, ça non, mais l'album passe, là, comme du bar. C'est du bar en poil, là, ça fond, là. C'est rapide, il y a des tunes, là, une minute trente, bing bang bang, c'est full énergique, moi j'ai trouvé écœurant là-bas. Notre critique du Descendants, c'est à peu près la longueur d'une de leurs tunes. On y va tout de suite maintenant avec Good Charlotte, c'est Simon qui m'a imposé ça, je suis désolé. Ah, encore, l'album Youth Authority. Alors, vas-y mon cher Lacroix. Ben, comme je disais, Blink 182, là, tu sais, on est dans la même chose. L'album que t'as aimé quand t'as fait du basic, pis t'as enlevé la selle, je pense, quand t'as fait du basic. Ben, c'est ça. C'est le même mood, c'est la même affaire. Je pense que le punk rock, je pense que c'est fini, là. Tu sais, le punk rock est trop mélodique, pis plate demain, c'est fini. Ce passe-là est terminé. Alors, j'ai pas aimé du tout. C'est... Le gars, il a été s'acheter Billy Talent tantôt. Non, mais ça, non, là, eux autres, ils tiennent la route. Mais Blink aussi, ils tiennent la route. En tout cas, moi, je maintiens mon point de vue. C'est ton basic, c'est ça. Mais Good Charlotte était fake au départ. C'est ça aussi, la bébelle. Et puis, c'est pour les jeunes, mais ils ne le sont plus. Et puis, les jeunes, ils vont écouter quelque chose qui va être peut-être complètement pareil. Mais ils vont juste aller choisir, je sais pas, mettons, il y aurait un groupe qui s'appellerait Good Charlotte. Ils vont écouter Good Charlotte. Parce que c'est juste un générationnel. Good Charlotte, c'est non. OK, c'est bon. On y va maintenant avec Despised Icon, l'album Beast. Ouais. Et puis, ben, je dis oui d'emblée. Ouais. Un groupe de Montréal qui font dans le... c'est pas du hardcore, c'est pas du metal, c'est du deadcore. Puis Je pense que ce serait les pionniers de ce genre-là. C'est un retour après 7 ans, en plus. Oui. Et puis, ben, rien de nouveau sous le soleil, là. On y va avec de la brutalité pure. Ça fait un drameur de fou, Alex Fournier. Ouais. Vous pouvez le voir sur YouTube. C'est malade. Ouais. C'est malade. On est contents. Les fans, je pense, se réjouissent de leur retour. Ça trince tellement. Que tu ressors là, expite de tout péché. Hein, t'es lavé. L'album passe super vite. Puis j'aime quand ils font une chanson aussi en français. On la comprend un peu quand même. Donc c'est audible. C'est Drapeau Noir, je pense. Oui, les Drapeaux Noirs. C'est un bel album. Puis ce que j'aime, moi, vite fait, dans Despised Icon, c'est la voix du cochon égorgé. Et puis il est de retour sur la tune. Non, moi j'aime le principal. Le cochon égorgé, je l'aime pas, moi. Non, moi c'est Marois, je l'aime, mais Alex et Ryan, je l'aime pas. Je suis même pas capable de l'imiter. Puis ça se peut-tu un cochon égorgé sur l'autotune? Tu sais, Manny manque d'octave. Je comprends rien, c'est fascinant. Un bel album qui rince. On y va maintenant avec Jerek Bischoff, l'album Cisterne. Ouais. Lacroix, ça c'est un de tes choix, vas-y. Non, mais je dis oui, là. Oui? C'est un génie. Ah, man, je dis la larme a fait tomber, là, la toune. La toune Headless, ok? Oui. Puis ils disent que c'est un mélange. Respecter son choix. Non, mais le gars, il dit. Le monde dit que c'est un mélange entre Ennio Morricone puis John Cale de Velvet Underground. Là. Mais il se dit, là, la musique qu'il fait, ça l'atteint vraiment. Puis il a décidé, ça s'appelle Cistern, parce que ça a été tapé dans une citerne de 2 millions de gallons, whatever. Voyons. Ah, il a tapé ça là-dedans. Puis le reverb dedans, c'est 45 secondes, tu claquais des doigts, 45 secondes après, tu l'entendais encore. Donc le challenge, c'était de quand même d'orchestrer pour que les reverbs se pilent par-dessus. Ouais. Puis tout ça. Fait que c'est vraiment un bel exercice de style. Ah, ouais. Et puis moi aussi, je dis oui. Ah, dès le premier morceau, moi, j'ai vu en écoutant une scène de guerre. On dirait des enfants qui jouaient dans des flaques d'eau, ouais. Okay, suite à une attaque peut-être aérienne, des enfants syriens. Là, mais c'était vraiment des. puis des flaques d'eau, je suis descendu à la rivière, à l'océan, tout ça, pour finalement, après ça, lire sur le personnage. Et est-ce que tu savais qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de 14 ans sur un voilier, oui, avec sa mère et son père? Bon, et puis, musicalement, il représente l'eau, c'est assez intéressant, puis on le sent. Est-ce que c'est le meilleur album dans ce genre-là? Moi, je vous conseille toujours, si on veut voyager en bateau, Brian Eno The Ship, là, je vais vous le dire là, à la fin de l'année, ça va être dans un dans mes albums. Cadaver, Mike Patton, l'album Bacteria que tu avais fait. Non, mais j'aime mieux celui-là. On va y aller maintenant avec Héloïse. On est rendu à combien de temps? 25 minutes. Hein, parfait, je pense qu'on va y aller. Ouais, vite, vite, on va y aller avec Héloïse. Héloïse, vous vous souvenez de l'ancienne tune de Norm et Morgan Taylor? Et puis, ben, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas rapport pantoute. L'album Deep Water, c'est du folk roots americana. Du bluegrass. Du bluegrass qui, eux, ça appellent. C'est pas moi qui invente. Ils se disent Blackgrass. Parce que c'est dark. Ouais. Parce que c'est noir. Les thématiques sont noires. C'est sale. Et puis moi, ben, je vais en inventer un autre. Moi aussi, un autre terme. Ça va être du fake grass. OK? Parce que un style blues folk comme ça, on doit ressentir les fantômes. Hein? Non, c'est du blues. Non, moi, j'y ressens pas. Seul fantôme que j'ai ressenti, ouais, là, la seule affaire que ça évoque, là. On dirait que c'était Chantal Lacroix en dessous d'une table là, qui bougeait ta table. C'est fait juste fake, en fake, bas, là. Mais totalement, non, totalement fake. On dirait la cousine de Jake Bugg qui aurait mangé du papier sablé pour essayer d'être rauque. Puis... Même sa voix rauque, Simon. Ah, je l'ai, sa voix rauque, c'est... Mais il est fake, sa voix rauque. C'est pas une vraie voix rauque. Ah, j'ai, ouais, pas aimé, cool, j'ai pas aimé le disque. Moi j'ai aimé l'expérience. Une expérience cheap. Ouais. Une expérience. Non, ouais, c'est pas cheap. Et toi, tu commandes des torsades vanille. Ben oui. Tu vas jamais plus loin que ça. On va avec Afro et Marco Polo. Oui. Mon cher Lacroix. Ben, je dis oui. Ça fait longtemps que j'en parle d'Afro. Hein. C'est la future superstar du underground. Qui est protégé de R.A. de Rugged Man. Oui. Il était à Jimmy Fallon. Si vous voulez aller voir sur YouTube, il a fait un freestyle sur place direct comme ça. Il y a même un documentaire sur son histoire, quand même une belle histoire, de ce jeune homme de, je sais pas, 16-17 ans. Oui, il est jeune. Ouais. Il est affilié avec un des meilleurs réalisateurs du rap underground qui est Marco Polo. Fait que le mix des deux, canadien, ça marche. Encore une fois. Ouais, canadien, Toronto. Ça marche au bout. Ça marche au bout. Ouais. C'est sauf, bon. Sauf qu'il est capable de rapper plus vite que ça, puis des prouesses dessus, je trouve qu'il ils ont pas poussé à fond, t'sais, il est quand même assez calme, mais je sais qu'il est capable de ouais, plus. Ouais, c'est ça, exactement ce que j'allais dire. Je m'attendais à plus, puis l'album s'en vient, puis là, les autres, ça c'est leur prémisse. Mmh. On a un va peu parler peur. De la dernière. On va y aller avec Mastercraft, on va terminer avec ça là, l'album Operator. Ouais. Mastercraft, c'est quoi? C'est le troisième album du duo, encore une fois canadien, la thématique elle est canadienne. Attention, vous entendez au micro, les amis. Alors, c'est un duo canadien qui avait pris un break de 7 ans. Le dernier album qui avait sorti, c'est Fist of God en 2009. J'avais complètement oublié ce disque-là. Je l'avais complètement oublié. Il avait pris une tangente à essayer d'être plus commercial. Il y avait des super bons invités, par exemple, ouais, John Legend, etc. Okay. etc. Mmh. Et Récidive, les amis, avec quelque chose de complètement abrasif. Ouais. C'est du techno-électro, techno-industriel quasiment. C'est agressif, étourdissant. C'est même, je vous dirais, vulgaire. Il retourne dans le Big Beat, là, qu'on parlait l'autre fois. Sinon, c'est plus introspectif. Peu du Monsieur Oiseau, le côté abrasif de Monsieur Oiseau. Jesse Keeler qui est de Death From Above, là, hein, ouais, c'est ouais, ce gars-là, ouais, qui cette fois-ci quand on parle du avec LP, toi t'as pas aimé? Non, pas du tout. Ben moi j'ai aimé parce que c'est le fun après 7 ans de faire que ça n'a pas marché commercialement ou whatever, où finalement nos racines sont punk, sont abrasives, etc. Ils font chanter là, c'est juste, on va citer ça, Jacob Bannon de Converge, ok? Sur la dernière tune, Go On Without Me. Converge, si vous le savez, c'est complètement brutal. Ouais. C'est comme si le Yard t'allumait du gaz pendant que tu dors, puis il faisait des slides de Git, hein, puis il dansait autour de toi pendant que tu flambais. Eh bien, c'est terminé, mes chers amis. Hey! En vente. Puis ben, on vous dit à la prochaine, il est temps de conclure et puis ben, merci de nous suivre et puis on se retrouve avec notre gang de geeks de jeux vidéo et puis nous on était les geeks de musique, à la prochaine! Peace out!